KSA. On n'aime pas. Lévis. Time. TK. Chimaton. Ouais. J'ai la rage et le sas dans la poche. À l'approche, c'est le 20 siècle, j'ai 20 day. Mais la France veut pas nourrir, je veux pas mourir. Devant les stupes, je veux pas courir. Et dans la tête, je veux pas pourrir. Les tourons, tendance à me faire rappeler que j'ai tout le terrain. Ils pourront m'enfermer, je serai le dernier qui se taira. Haineuse est la vie qu'on mène. Haineuse sont les filles qu'on gagne, on peine. Moins que mes frères affreignent, mais comme les mecs qui traînent. Plibis dans la tise, l'état me fait boire la tasse. Au moins la haine est altesse. Pas le paix sans relâche par les deux chemis. Te jouer par les deux jouets, y'a le deux chi. Et les tox qui se t'échouent, pas de chat. Mais mes textes qui s'échouent sur le rivage. De marrage dans les parages. Paraît que c'est une fois de garage. De barrage, on devient barche. Reste en marche, non l'argent m'aura pas. C'est moi qui l'aurais parié. Parié à l'arrache, je suis la dernière balle dans le parier. Avec la poche, je suis marié. Ou alors 8 c'est safarié. Et je flingué la flicaille. C'est X pour toutes les racailles. Ma haine, je représente. Et les quartiers que me représentent. Des fois je vois rouge par la rage, rose n'est pas ma vie. Bouge ton courage, noir et mon peu, vie ma scène. Mais le son, je joue pas pour jamais faire un jour la sale peine. Vie crue et vie de merde, la rage, on récolte tout ce que le mal sème. Des fois je vois rouge par la rage, rose n'est pas ma vie. Bouge ton courage, noir et mon peu, vie ma scène. Mais le son, je joue pas pour jamais faire un jour la sale peine. Vie crue et vie de merde, la rage, on récolte tout ce que le mal sème. La rage motive les frères, tous pleins de haine vénère. C'est une façon d'avoir un but sommaire dans une vie amère. Donc chaque jour on se démerde, traîne en bande et on se demande comment se terminera cette vie. Je veux pas de commentaires sans commentaires. Si je sais pas comment faire, y'aura toujours des gars derrière. Prêt à faire des dégâts, fier de se dire qu'il y a pas de barrière et pas de limite. Dans une vie qui sans cesse m'irrite, c'est pas ça que je mérite. Souvent la chance me rate, mais faut pas que je m'arrête. Pas le temps que je dors, mais vite les hommes en uniforme, uni et ferme. Je reste en forme, en force, en somme. Quand ça se corse direct, on s'arme. Y'a que ça qui marche, même si ça fait couler des larmes, ni en drame. Je pousse à persévérer, à s'accrocher, faire des projets. Donc pour avancer, on lâche des pas censé, faut y penser, ma vie passée, à manigancer des plans pour bien se placer. À l'abri des ennuis, mais j'ai appris qu'il n'y a pas de sursis. À tout moment, la poids surgit, remet en question ta survie. Des fois, je vois rouge par la rage, rose n'est pas ma vie. Bouge pour le courage, noir et mon peu, vie malsaine. Mais le son, je joue pas pour jamais faire un jour la sale peine. Vie crue et vie de merde, la rage, on récolte tout ce que le mal sème. Des fois, je vois rouge par la rage, rose n'est pas ma vie. Bouge pour le courage, noir et mon peu, vie malsaine. Mais le son, je joue pas pour jamais faire un jour la sale peine. Vie crue et vie de merde, la rage, on récolte tout ce que le mal sème. J'écris ma rage sur page après l'orage et des cris d'horreur. Comment être heureux à notre âge avec la haine au cœur. Encore les mêmes merdes, encore les mêmes fumant la même herbe. Encore les mêmes qui gagnent, les mêmes qui perdent. Et si on perd pas la foi, on garde la haine en nous. Et si on perd pas la face, on garde les peines en nous. Pour tous nos potes de test qui se tapent des putains de peines de prison qui laissent des traces. À tous les keufs niqués voraces. Mon ref a pris pour deux piges, depuis j'ai pas vu sa face. Y'a plus de limite, face à la suite j'médite. Médicommandement. Des fois je vois rouge par la rage, rose n'est pas ma vie. Bouge pour le courage, noir et mon peu, vie malsaine. Mais le son, je joue pas pour jamais faire un jour la sale peine. Vie crue et vie de merde, la rage, on récolte tout ce que le mal sème. Des fois je vois rouge par la rage, rose n'est pas ma vie. Bouge pour le courage, noir et mon peu, vie malsaine. Mais le son, je joue pas pour jamais faire un jour la sale peine. Vie crue et vie de merde, la rage, on récolte tout ce que le mal sème. Tout ce que le mal sème.